Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navonne. Toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient. Les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît. Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des griffes, de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlé. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves. Et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois, qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus les dômes byzantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamants pour devenir sagittaire et décrocher les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers. Je t'offrirai les hautes lumières après la nuit, avant le jour et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes. Le groupe inspirant Les Fauves. Est-ce que c'est Les Fauves, monsieur Bodo? Non. C'est pas Les Fauves du tout, c'est Fauves. Oh, Fauves, excusez-les. Non, c'est pas les. Ils sont très beaux, c'est Fauves, le groupe exceptionnel de 2015, Vieux Frères, prise 2. Avez-vous la prise 1? Non. J'ai même pas la prise 3. Ben, ça existe même pas. La prise 1, ça doit être là dans la discographie. Pourquoi vous dites ça? Ben, s'ils ont indiqué prise 2, il doit avoir... Eh, monsieur. La déduction de monsieur? De monsieur Thibodeau. Thibodeau? Monsieur Thibodeau. D'accord. Sinon, comment ça va, vous autres? Oui, je sais. Vous allez me dire, oui, il me semble que c'est étrange aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, il se passe quelque chose. L'électricité n'est pas là. L'électricité. Ben oui, mais il faut payer ton compte, mon Raymond. Faut que tu payes toute ta vie. Hein? Oublie pas ça. Oh, quelquefois, c'est très subtil. C'est pas dit à voix haute, là. C'est sous le manteau. C'est underground. Quand c'est underground, là, faut que tu cherches le décodage. Tout n'est pas dit. Tout est suggéré. Rien n'est précis. Tout est flou. Si tu n'as pas la clé de l'énigme ou les clés des métaphores... Mais comment on fait, monsieur? Je suis en présence de... Disons d'un fil Ariane. Un fil Ariane, oui. Moi, c'est pas rien, moi, c'est Raymond. Moi, vous expliquer, moi, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans en vélo. Oui, imaginez-vous que je faisais la livraison de produits dentaires. C'est-à-dire, je vais vous dire, non, je vais tout. Puis ça sera pas long, ce sera pas. Vous sentirez pas vraiment le mou de l'émission parce qu'il y en a pas de mou. Il y a juste du dur, c'est très dur. Mais juste un petit événement pour dire que moi, j'ai pas le décodage, le décodage, puis je connais pas ça, ces choses-là, moi. Là. Parce que j'ai commencé à travailler très jeune pour subvenir à ma famille, qui, elle, devait bien sûr vivre. On était 12 enfants chez nous. 12 enfants vivants. Presque mort. On mangeait, mais on mangeait nos bas. On chiquait nos bas. Ça nous donnait de l'énergie. Et puis moi, ben c'est ça, à 13 ans, 12 ans et demi, presque 13 ans, j'ai pris mon vélo, puis j'amenais chez les cliniques dentaires des produits, et surtout des feuilles d'or que l'on appliquait sur les dents des gens bourgeois, des richissimes personnages. Ça venait aussi des surtout on veut impressionner, hein? Le personnage veut l'impressionner, ou on devient un personnage sans le vouloir. Il y a ceux qui sont imbus. Oui, je vais vous expliquer, moi. Pas compliqué, moi. Là. Moi, j'ai un succès avec une chanson. Une petite chanson, une petite. On appelle ça une. Une fredaine. Une fredaine redondaine. Freddy, j'ai dit, hein? Bon, vous vous souvenez, depuis 3 semaines, 1 mois, le bouton, pas réparé encore, pas réparé. M'a changé la console. Moi, s'il faut juste le bouton, moi, c'est pas ça. Je connais quelqu'un, Gilles Latulippe, qui était un humoriste québécois, qui est décédé, je crois, il y a 2 ans, puis il dit, moi, c'est pas compliqué une voiture, là. Faut que ça roule. Quand ça fonctionne, c'est numéro 1. Quand il y a un problème, puis je dois ouvrir le capot, m'en achète un autre. Une autre. Fait que moi, je vais m'acheter une nouvelle console uniquement parce que le petit piton ici, là, il colle puis il décolle puis il veut pas partir quand moi je veux qu'il parte. Parce que c'est moi qui décide. Oh, pour une fois. Pour une fois dans ma vie, je décide à un endroit spécifique. C'est à mon studio des Abeilles, ici même. Sinon, le reste, ben écoutez, je me sens comme des récifs. Surtout une pierre sur des récifs. Je reçois ce qu'on m'envoie. No jangles, any dance for you. In worn out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. Told me of the times he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears of 15 years how his dog and he, they would travel about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance and I'll get drunk. For my drinks and chips, most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Oh, Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please, please. That's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Dance, dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Jangles dance. come back and dance again. Please, Bojangles. Je sais que j'ai la voix radiophonique. La voix radiophonique. Mais est-ce que ça se passe? Oh, l'Equalizer. L'Equalizer. Ah, j'ai trop monté l'Equalizer. Comment est-ce qu'il a touché à ça, l'Equalizer? On veut des noms. Non, il y a des têtes qui vont tomber, quoi qu'il n'y en a pas ici. Toutes les têtes sont tombées. C'est des poules pas de tête. Ça coûte moins cher à nourrir. Ben oui, il n'y a pas de bouche. OK, ils n'ont pas de bouche, hein? Mauvaise blague. Mais 13 ans de vélo. Des feuilles d'or pour les bourgeois, les dents. Puis à un moment donné, j'en ai perdu une. Pas une dent, mais une feuille. Puis quand tu perds ce genre de feuille-là, là on n'est pas là, dans les années 90, là. On est dans les années 1942. On est dans les années 42. 1942. Pas 1800, voyons d'autres. Oui, je suis pas révolutionnaire naziard. Non, 1942. J'avais perdu une feuille d'or. Cette feuille d'or que je voudrais mettre là ton doigt. Non, c'est pas, non, ça, tu peux pas. Faut que tu découpes finement. Tu peux faire brûler là, la fleur. Tu prends une petite bougie. Ouais, la petite bougie d'amoureux, là. Oui, qu'on va offrir dans quelques semaines. Non, on a passé ça. On a passé ça. Ben oui, le 14 février est passé, heureusement. Bon, je suis bien content. J'ai tout diversé, moi. Moi, avant le moment. L'intérêt, c'est de tout faire des petites amourettes hein, pendant toute l'année. 3 jours avant Saint-Valentin, tu coupes tout tu achètes du temps d'antenne parce que moi, mon cellulaire fonctionne aux cartes. Ouais, ça fonctionne aux cartes. Moi, je suis un vieux de la vieille. Mon téléphone, moi, c'est un téléphone Chuck Norris, je l'ai dit. C'est-à-dire, tu sais, tu l'ouvres, ting, c'est un clavier. Semaine dernière, Chuck Norris, m'amuse, l'histoire est finie. J'ai perdu mon Chuck Norris. Ah, pas ma muse. Ah non, ma muse, je l'ai encore. Oh, quel plaisir. Hein? Ah! Je ne changerai pour rien au monde. Ah, tout va bien, vraiment. Je te dis, mur à mur. Mur à mur, contreplaqué. Moi, je me sens comme, vous savez, les planchers. Des planchers volants, là, non identifiés. C'est pas ça, c'est des planchers flottants. Ben oui, moi, je flotte pas, moi, je vole. Tant qu'à monter, quoique quand tu flottes, tu montes pas, t'es maintenu par l'eau. Mais quand c'est volant, tu peux aller où tu veux. Mais pas trop haut, parce que sinon, il y a le cyclone. L'œil, tu sais, l'œil du cyclone va t'apporter jusque plus haut que la hauteur. Encore qualifié par les scientifiques d'honorable. Il y a une hauteur honorable dans le ciel. Oui, il y a les aurores boréales. C'est BO. Il n'y en a plus. On va en commander. Mais je l'affiche ici, là. J'ai le bon de commande. Oui, 45, 72, 17, 22. On en voudrait 3. Mais là, c'est moi, là, ce que je trouve bizarre là, quand j'appelle pour commander des choses, là, c'est pas parce que je commande que vous allez livrer. Vous pouvez vous rendre compte, vous, là, parce que vous êtes combien de téléphonistes? 100, que là, vous en avez. Mais quand vous allez compiler tout ça, il va en manquer, puis c'est moi qui vais. Je suis toujours dans ceux qui ne l'auront pas. Pourquoi, moi? Je mène une bonne vie, moi, vous expliquer. Pouvez-vous me placer une note, là? Mène une bonne vie, mais on va dire pourquoi. J'aime mon prochain. Je m'oublie aussi souvent. Je m'oublie. Je vais pas m'oublier là, dans le sens que je suis plus capable de. Non, je subviens ma propreté, mais je veux dire, je m'oublie pour faire plaisir aux autres. C'est intéressant, ça, là. C'est intéressant pour les humanistes comme nous. Pierre Fort en est un, mon ami, que que j'ai rencontré. Encore une fois, oui, je sais. Ça, là, quand tu te prépares des émissions puis que tu vas voir des artistes, le plaisir, c'est de suivre l'évolution ou suivre uniquement l'amitié que l'on a à se revoir. Et lui, là, Pierre, c'est un gars tellement zen. Moi, je suis tellement le pied sur l'accélérateur, puis je peux pas l'abandonner puisque je suis comme crispé. Puis lui, il vient calmer. Ça fait une belle émission où la houle est retenue par la sagesse de Pierre Fort. Puis là, quand je commande... oui, c'était juste une petite anecdote en passant, Pierre Fort. C'est mon invité, deuxième émission. Parce que la semaine dernière, il était aussi à Errance Rénaldienne. Tout le monde m'a envoyé des courriels. Je suis très content, mais tout le monde. J'en ai eu plus que d'habitude. Et je réponds à tout. Et puis là, il y en a certains que je rencontre dans la rue qui me disent « Rénal », parce que, bon, mon émission existe depuis quelques temps, puis bon. Ils me disent « Rénal, tu me nommes jamais, tu dis jamais ton courriel. Comment peut-on te joindre? » Non, c'est vrai que quelquefois, j'oublie. Je commence pas à balancer ça à toutes les émissions, mais maintenant, aujourd'hui, prenez un petit papier, un petit crayon. Pas un gros papier, juste un petit papier, là. Plus large que long. Parce que, ouais, c'est sur le long, moi. C'est pas compliqué. Moi, j'aime ça pas compliqué. Quand l'amour commence à devenir compliqué, je décroche. Quand je vois qu'il n'y a pas d'ouverture, je décroche. Quand je vois qu'il y a du nombrilisme, je décroche. Moi, croyez-vous, je vais vous dire mon adresse après, croyez-vous qu'en amour, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. J'ai posé la question il y a quelque temps. Est-ce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre? Selon moi, on ne veut pas savoir selon toi, ton intérêt sociétal, là, t'sais, ta psychologie sociale, là, ignore-nous. Pourquoi vous me dites ça? Mais non, ignore-nous. On veut pas savoir ce que t'en penses parce que c'est tout à fait singulier. Nous, c'est la masse. On veut savoir la masse. Il y en a tant. La majorité, est-ce qu'elle croit qu'on aime... Certaines personnes aiment plus que d'autres dans un couple. Là. Ta femme, est-ce qu'elle t'aime plus que toi? Toi, est-ce que t'aimes plus ta femme qu'elle, elle peut t'aimer? Comment on jauge l'amour, là? Mais moi, je t'ai envoyé 63 SMS en 15 minutes, hein, pour te dire « Je t'aime, fais attention à toi, au revoir, oublie pas le fromage, ramène-moi du petit chocolat. » Pas du gros, du petit chocolat. C'est subtil, le petit chocolat, hein? Le gros chocolat, on dirait, c'est quelque chose de... un bûcheron peut en manger 3-4 barres, là, hein? Puis s'il n'y en a pas assez, il se gave avec ça, puis il fait fondre ça dans sa bouche avec la flamme. Tu sais, la flamme de sa torche. Il torche le chocolat pour que ça y fonde dans la bouche. Ouais, mais ça va y brûler la langue. Il s'en balance, il n'y a plus de langue, lui, là, là. La langue qui s'est faite implanter, là, c'est la feuille d'or que, à 13 ans, j'avais perdue. L'a trouvé, lui, c'est un insignifiant. Il l'a trouvé, ben, brillant aussi un peu, là. Il l'a trouvé par terre. Il m'a vu partir. Il savait que ça coûtait un bras. J'étais jeune, j'avais pas d'argent, puis je voulais faire vivre ma famille. Pas ma famille à moi avec mes enfants, mais la famille, mon père, ma mère et sa progéniture. Il m'a même pas dit « Hey, petit gars, non. » Il m'a laissé partir. A pris la feuille. L'a amené chez son médecin. Qui, à l'époque, on n'appelait pas ça des médecins, comment t'appelles ça, les technicologues, non, les plasticiens. C'était pas un plasticien, c'est un gars qui était un artiste un peu manqué. Il est devenu médecin manqué. Puis qui faisait ce que les artistes voulaient sur leur corps, un genre de tatouage, puis n'importe quoi. Et le bonhomme est arrivé avec sa feuille d'or. Il dit, s'il vous plaît,

Ça intéresse pas beaucoup les blédards des œuvrés qui traînent dans l'allée. On n'arrête pas à le bisaler, ça s'enjaille, ça s'embrouille. Y'a une odeur nouvelle dans l'air depuis quelques temps, une odeur d'apocalypse. Je me surprends à penser que le déclin est arrivé, ça y est, c'est pour nous. Et malgré tout, je suis pas si inquiet, après tout, faut arrêter. On a de la ressource, on n'est pas les derniers burnés, on va se démerder. Bref, je suis arrivé en bas de l'immeuble, terminus, je dois monter. Ce soir, rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. J'ai 27 ans, bientôt 28. C'est fou comme le temps file. J'ai 27 ans, bientôt 28. Et je pourrais me dire que mes belles années sont derrière moi. J'ai 27 ans, bientôt 28. Pourtant, j'ai pas de regrets. J'ai 27 ans, bientôt 28. Mais ce soir, j'ai l'impression d'être en 98. Oui, nous sommes en 2018. Faut pas l'oublier. Quoique, même si on a des petites flatulences intellectuelles, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est de récupérer. Il faut récupérer. Là, je viens de remarquer qu'il y avait un livre en avant de moi. Et il n'y a rien de préfabriqué à mon émission, vous le savez. Ça, c'est un vieux... J'ai beaucoup de petits textes, des cahiers que je place ici et là. Mais là, je l'ai mis ici. Et nous voilà là. Et puis, je vais vous lire un vieux texte pour avant d'enchaîner avec mon ami Pierre. Tiens. Lequel? Je ne connais rien d'autre que l'enfer. Bon. Écoutez. Une saison en enfer, sans doute. C'est inspiré. Oh oui. Je fusillerai la femme qui tentera de m'hypnotiser par sa beauté. J'ai déjà écrit ça. Il y a peut-être... il y a 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et je cherchais en le voyant des nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sous mes yeux. Ça l'a fait rire. La fin. Que j'avais deux fois... Ça c'est charrier un peu, là, la fin. Tu dis la fin très, très loin, là. J'avais deux fois... J'ai une voix riche. Oui, j'ai une voix riche. Une voix qui... Oui. Dis oui. Qui disent oui, enfin, à la libération du Québec, qui disent oui. Hey, quand tu dis libérer, c'est être mieux, être souverain, être autonome. Okay, c'est important d'être autonome. Quand t'es jeune, tu veux l'être autonome, t'as 14 ans. Là, ta mère a dit, oh, mais là, on va voir les grands-parents, hein? Parce que c'est la fête à Pépé. Pépé, ben ça va aussi, petit enfant. Ben, tu veux pas voir Pépé? Maman, va aller voir Pépé, 14 ans, va aller voir les amis, là. Non, t'as 14 ans, c'est pas toi qui vas décider, on va aller voir Pépé. Pépé, ça dit non, Pépé. Il est pas trop Pépé, parce qu'il est vieux, Pépé. Pépé vieux comme ça, là, il s'égrène, hein. On va amener des typos, puis on va rentrer des... Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, des morceaux de pépé. Puis s'ils peuvent le recoller, ça va être pas pire. Pépé va vivre plus longtemps, pépé collé. Pas papier collé, pépé collé. Pépé collé, c'est un personnage. Pépé collé. Pépé picole un peu. Mais ça ramène la colle, hein. Ça, on dirait que c'est gommeux en lui. Donc, il s'égrène moins. Et là, depuis deux semaines, là, il n'a plus trop d'énergie, surtout plus les moyens financiers. Coûte cher, ça, là, de se coller. Pas facile de se coller de même, là. Avant, à l'origine, il pensait que tout ce qui était alcoolisé pouvait coller. Non, il s'est rendu qu'il faut que plus c'est crémeux, plus ça colle. Plus c'est liquide, moins ça colle. Devenu intelligent avec les années, lui, Pépé. Fait que là, il faut aller voir Pépé. Oh non, pas Pépé, maman, pas Pépé. Oh, oui, hey. Ton Pépé, là, qui a travaillé toute sa vie pour rendre le monde heureux, pour enrichir un beau Québec, faut aller le voir. Ah, oh, oh, mes amis. Non. Pépé avant, tes amis après. Si on a le temps. Oh non, hey. Fait qu'à 14 ans, tu sais, t'es comme obligé. Mais quand vient le 18 ans? Mais c'est pire aux États-Unis, c'est 21 ans, 3 ans plus de plus, c'est épouvantable. C'est pour ça qu'ils viennent au Québec briser nos chalets, nos chambres, nos femmes. Moi, ça fait ma sixième femme qui m'ont... détruit. Je peux même pas détruit, c'est épouvantable. C'est même pas racontable. À la radio, imaginez, ils voient à TV. Mais quoi qu'à TV, ça passe mieux, hein? On voit exactement, ça jonche. Le monde aime bien ça, hein? Ils filment des gros plans, puis ça peut encore bouger, puis aidez-moi! Ce qu'ils savent pas, c'est que plus ça fait d'audimat, plus les publicités veulent se coller, hein? Les publicistes veulent se coller au gros noyau d'audimat, là. Puis si ça ne pas assez, mettez du ketchup, man, hey, parce que là, il va y avoir une grosse publicité après, là. Publicité de voiture! Hein, c'est ça qui fait vivre ta station. Fait que s'il n'y a personne qui peut l'écouter, là, la publicité de voiture, m'en l'enlever, la publicité de voiture. C'est moi qui mène, ça. C'est moi le publiciste. Fait que mets-en du sens. C'est pas de longan. Faut que le monde regarde ça. Faut que ça soit sensationnaliste. Sensationnaliste. On est dans une société de sensationnalisme. Faut montrer un 500% de la société en train de s'auto-détruire. C'est une beauté extraordinaire, la destruction. Regardez un petit ruisseau, là, avec une petite flûte traversière. Pas grand monde qui veut payer pour passer une publicité là-dessus, là. À part des... Ouais, ben nous sommes d'accord dans un... D'accord? Nous sommes d'accord? Oui, d'accord, je vais expliciter davantage, ils nous seront peut-être d'accord. Je fais partie, bien sûr, d'un groupe et nous nous recueillons chaque semaine ensemble pour l'amour universel de la planète et même vers l'infini. Nous montons vers l'infini, nous sommes quand même assez puissants depuis quelques années. Nous avons rassemblé beaucoup de disciples pour s'auto-énergiser aux quatre coins de la planète. En même temps, nous envoyons un rayon de positivisme à toute la planète, pour ne pas dire à tout l'univers. Donc, si on pourrait faire une petite publicité là, avec une musique... J'avais déjà choisi Zamphir. Le musicien Zamphir. La flûte à pan, là. Et puis, nous sommes prêts à donner quand même quelques dollars, mais surtout des sessions de méditation. Et ces sessions de méditation seront faites par Internet. Oui. Est-ce possible de vous proposer de faire une publicité? Bien, nous avons pensé à deux artistes. Pierre Fa, parce que Pierre Fa est super zen. Et peut-être aussi. Si vous m'autorisez, là, je suis ici dans la proposition et non pas dans l'obligation de vous que vous puissiez me dire oui à ce que je vais vous amener comme deuxième personne. Nous avons eu comme idée Reynald Gagné. Bon, là, vous allez me dire, oui, Reynald, c'est un être turbulent, mais c'est le yin et le yang. C'est important, le yin et le yang. Fait que Pierre, lui, c'est le yin, on l'a dit tout à l'heure, et l'autre, c'est le yang. Donc, ça pourrait faire un équilibre, parce que les gens qui sont très stressés vont se dire, ça m'appartient pas, cette publicité-là. Mais s'ils voient un gars hyper nerveux, et l'autre très zen, là, ça va rassembler tout le monde parce qu'on a toujours un petit côté un peu... Et un petit côté... Alors, est-ce qu'on peut s'arranger... Oui? On a des bidous, on a des... Oui, on a des billets de dollars. Mais... D'accord. On va vous rappeler. Bon. OK, bonne soirée. D'accord. Oui. Oui, la ligne... Très mauvaise. Très... Oui, seulement, mais... On va vous rappeler. Chandelier, Lagos, Faro, Darak, Javelot, Carabinier, Gaz, Kaoun, Balia, Chien de pluie, Sarajevo, Lafayette, Carton plume, Papier bib, Papier cigarette, Coupole Nasty, Torontule, Latch, Espar, Boyan, Libellule, Galucha, Taoni, Tanin, Fatcap, Tosseur, Vif Argent, Mazurka, Bosseron, Banderie, Slacker. Je prends tout. Je prends tout. T'en as d'autres? Envoie. Aujourd'hui, le lundi 12 mars 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot, au ciboulot, à l'amour. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la créatrice, chanteuse, auteure, compositrice, mettez-en, elle en a des galons, Flo Zinc. Flo Zinc, c'est qui? Ben, c'est elle à partir de maintenant, je vous la propose. J'ai toujours mon parapluie, je suis à Paris. Je passe des heures dans des musées, surtout à l'entrée. Je me fais beaucoup d'amis qui sont pas d'ici, mais c'est comme des vieux. J'aimerais beaucoup un rendez-vous. Je connais la ville à vélo, c'est très rigolo. J'apprends un peu de français, dégage mon poulet. Oh, je randonne sur les trottoirs, on randonne sur mes panards. Oh, c'est pas toujours cosy la vie à Paris. Oh, mais y'a un truc que j'adore faire à Paris, et c'est que j'adore me balader. C'est so romantique. Ok, tout le monde est prêt pour le randonnade? On y va, Martial? 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'ai encore mon parapluie, je suis toujours à Paris. Je passe des heures devant des musées, maintenant je suis trempée. Je me suis fait des amis, mais ils sont partis avec mes papiers. C'était mon dernier rendez-vous, et puis des vrais Parisiens j'ai pas rencontré. Ils se transportent en commun toute la journée. Oh, j'en ai assez maintenant, je veux rentrer chez ma maman. Je comprends pourquoi on dit vive la Normandie. Hey! Flo! Reynald! Comment ça va? J'étais bonjour. Passif! Bonjour, j'étais concentré. Je faisais comme du yoga. Même si je ne crois pas vraiment. Ouais, mais non, je ne suis pas très yoga. Mais est-ce que tu en fais vraiment? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai eu deux invités avant toi et ils n'ont parlé que de yoga. Ah bon? Ben oui. Ben alors, c'est incroyable ça. Oui, mais il y a de des musiciens. Courants. Non, mais il y a des courants. Oui, c'est vrai, mais en ce moment, ben, ça, tu vois, ça veut dire que les gens ont besoin de se... retourner aux sources. Exactement. De relaxer mais avant de monter sur scène. Mais t'es sensible à ça? Pas très yoga, non. Pas très ésotérique, quand c'est pas scientifique, là. Mais alors, raconte-moi, alors, là, là tu rencontres plein de gens et tu... Oui. Et tu, alors, tu t'es fixé, donc, tu les vois, tu vois les personnes une heure, c'est ça? Ben, ça dépend. Ça dépend. Oui. Et après, tu mets sur un blog... Pas du tout, je fais une radio... Une... Ah, tu fais sur ta radio... Oui, qui est une radio terrienne. D'accord. Est-ce que, non, mais tu sais ce que ça veut dire? Terrienne, non? Ben, c'est pas sur Internet. Donc, c'est une radio qui diffuse là, comme n'importe quelle radio, comme France Inter. Ouais. Mais CKRL est là. Oh, ouais, ça. Ouais, mais là, je sais mesdames pas si et messieurs, ça va bonsoir bien. À tous. Ah ouais, du coup, faudra peut-être qu'on... Mais sinon, on bouge, hein. Je vais faire un peu de musique, si un morceau, ensuite, je passerai parmi vous avec mon chapeau. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas. Peut-être à l'intérieur. Moi, ça me dérange pas. On fait comme... Quand on y commence comme tu veux. J'ai mis une glace là-bas, là, ça m'a coupé. Non, il faut passer par là. Bah oui, non, ça va être... Non, pas du tout. Non, ça c'est moins pire qu'un chanteur qui te... Ah, c'est bien. Voilà. On recommence comme si c'était nouveau. D'accord, si c'était... parce que ça enregistre? Ben oui. Ah bon? Ben on est toujours en pleine action. Ah bon? Mais ben... tout ce que je vais dire va être enregistré? Oui, malheureusement. D'accord. Heureusement. Mais non, faut prendre ça avec un grain de sel. Closing, c'est un nom de scène, un nom de... Non, en fait, c'est mon vrai nom. Mais voyons. Ah oui, parce qu'en fait, je m'appelle Florence. Ok, et... c'est diminutif. Voilà, et Zing, c'est mon nom, et c'est d'origine alsacienne. Mais voyons. Au départ, je voulais prendre un vrai nom rigolo, parce qu'en fait, je suis fan d'Amélie Les Crayons. Tu connais cette chanteuse? Oui, oui. Qui rentre à son quatrième album. Voilà, exactement. Et en fait, on va dire que c'est un peu de la voir sur scène, ça m'a fait le déclic pour pouvoir créer moi-même... un personnage. Enfin, en tout cas, mon spectacle. Parce que j'ai réalisé que, avec elle en tout cas, j'ai réalisé que c'était possible de faire de la chanson et à la fois du théâtre. Oui. Et c'est ce que je voulais faire moi. Et donc du coup, c'est comme si elle m'avait donné l'autorisation alors qu'elle ne me connaît pas. Hein. Ah, tu l'as jamais rencontrée? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah. Et en fait, son nom, je le trouvais très poétique. Et du coup, j'avais cherché un nom pour moi. Alors j'avais trouvé Violette Bouton. Violette Bouton. Alors on m'avait dit que ça faisait un peu vieille chanson. Puis après aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si je prenais un nom qui disait rien à personne, j'allais déjà perdre le peu de public que j'avais au départ. C'était mes amis et ma famille, enfin ma famille éloignée, tu vois. Éclatée. Ouais. Et au départ, en fait, les gens, moi ça m'a permis de retrouver plein d'anciens copains, d'enfance, etc., qui m'ont retrouvé grâce au nom. Oui, tu vois. Parce que c'est plus commun. Peut-être qu'en Alsace, c'est plus répandu. Bah, en Alsace, c'est... Si, c'est répandu, oui. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, tu touches à tout. Tu as pris des cours dans plein de sphères artistiques, tu es vraiment tout azimut, tu as des tentacules qui touchent à toutes les... même aux langues, tu t'es pas arrêté, les instruments de musique... Alors pas les instruments de musique, tu vois, ça je suis pas... je joue pas d'instruments, ça c'est un grand regret. Okay. Par contre, comme au départ je voulais être comédienne, et ça depuis vraiment très longtemps, c'est vrai que j'ai suivi une formation très complète. Tu vois, quand t'es comédien, t'as envie de tout faire, du chant, du mime, de la danse. Donc si tu veux, j'ai vraiment exploré le corps, beaucoup, et puis en même temps... Même le clown. Et le clown aussi, exactement. Parce que tu sais, quand on te dit quand tu veux être comédien qu'il faut être le plus complet possible. Ouais. Et puis moi, je pense que ça, je me cherchais beaucoup aussi. Et puis en même temps, je suivais des ateliers d'écriture de chansons, mais je savais pas que j'avais... Enfin, je suis tombée par hasard dans un atelier d'écriture de chansons, quoi. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai écrit des textes de chansons. C'était destiné à qui? À toi? Ben, juste à moi, en fait. Mais qu'est-ce que tu voulais dire dans tes chansons au début? Ben, Je crois qu'au début, j'avais l'émerveillement de découvrir qu'on pouvait écrire des textes à partir de 2-3 contraintes à imposer. Des contraintes, lesquelles? Par exemple, on met des mots dans un chapeau et puis on tire au hasard. Ah oui, OK, l'improvisation. Voilà, à partir du hasard, que le hasard créait des contraintes. Alors, c'est pas sur ta vie, c'est pas sur tes amours? Alors, bien sûr, par exemple, mon premier spectacle de chansons que j'ai créé avant celui-là, qui s'appelle... Très intense, qui parle de nous, hein? Voilà, voilà, c'était autour de mon nombril. Oui. Et c'est pour ça que j'en ai pas fait un album, okay. Parce que je trouve qu'au début, quand on écrit, c'est beaucoup autour de son nombril, quoi. Mais je pense que c'est une phase nécessaire aussi, oui, tu vois. Pour se connaître. Pour se connaître, et puis après, pour aller plus loin aussi, traiter des sujets peut-être plus généraux. Oui, je pense que c'est une phase nécessaire. Mais ta grande force, à un moment donné, c'est que tu vas utiliser la scène avant d'en disquer. Avant de? D'en disquer, de mettre sur disque un premier disque. Qui s'appelle, c'est là que je t'ai connu, j'ai plus tellement mal. Les Veilleurs de Lune. Oui, exactement. Et oui. Tu l'as joué 2 ans avant. Exactement. Alors, à vrai dire, c'était plutôt. On n'a pas choisi. C'est-à-dire, je pense que les chanteurs connus et qui ont les moyens, ils sortent un disque et après ils font leur concert de sortie d'album. Moi, j'avais pas les moyens. Donc j'ai d'abord tourné. Mais c'est quand même un luxe de pouvoir roder les chansons devant le public, c'est intéressant. Ah du coup, c'est vrai que pour le coup, on était vraiment prêts quand on a enregistré le disque. Et à la fois Martial qui a fait les arrangements, parce qu'il avait eu le temps de chercher des choses sur scène, et à la fois moi aussi, parce que dans l'interprétation, c'était plus affiné, c'était moins frais. Il y avait plus de recherche. Donc finalement, je suis contente que ce soit fait comme ça. Et aussi parce qu'on a dû faire appel à du financement participatif, et que les gens qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés à financer cet album, c'est bien les gens qu'on a rencontrés tout au long des concerts. Donc finalement, c'était bien comme ça. Ouais. Et grâce à des gens, tu as travaillé l'écriture, tu as abordé des grands auteurs comme Alain Leprest. Au départ, c'est dans un atelier de théâtre que j'ai découvert que j'avais une rencontre avec l'écriture. Et ensuite, une copine d'un autre atelier de théâtre m'a emmenée chez Leprest. Et c'était vraiment le hasard. Moi, je mesurais pas à cette époque le bonhomme que c'était. Hein. C'est en quelle année, ça? C'était en 2000. OK. Et il était encore malade. Hein? Il était quand même très... Excusez-moi. Il était... Non, je t'en prie. Il était très malade. Il commençait à... Il n'était pas encore malade. Il n'était pas encore malade. C'est deux ans après que ça a commencé. Et là, il était avec nous autour d'une table. C'était au Picardie, un bistrot à Ivry. Et puis, c'est là qu'on mettait des mots dans le chapeau. Il y avait une autre dame qui s'occupait de mettre des contraintes, etc. Puis après, on faisait un tour de table, tout le monde lisait. Est-ce que c'est une belle école? Ah oui, c'est une belle école. Parce que moi, j'ai pris une claque parce que j'ai vu aussi... La qualité des textes, quoi. On peut dire que j'ai fait mes classes, quoi. Et puis, mais tu écrivais avant? Moi, l'écriture, elle a toujours traversé ma vie. C'est-à-dire que petite, ça a été des journaux intimes. Ah oui, oui. Mais ça pendant longtemps. Hein. J'ai fait ça de 10 ans à 18 ans. Et puis après, j'ai voyagé. Et donc, ça a pris la forme des carnets de voyage. Ah oui. Mais j'écrivais vraiment beaucoup. Et après, au cours d'un de ces voyages, j'ai rencontré une auteure équatorienne dont j'ai traduit des nouvelles. Donc après, l'écriture, elle a pris la forme de la traduction. Ah oui. Une traduction qui a été publiée. Libre. Pardon? Libre, une création libre. Non, c'était une traduction... Vraiment, qui tenait l'original. Exactement, oui, qui a été publiée chez l'Harmattan. Et après, ça a été l'écriture de chansons. C'est-à-dire, elle a toujours pris des formes différentes, cette écriture. Alors ça s'est fait au fur et à mesure, il n'y a pas eu vraiment de travail, c'est la vie qui tranquillement s'est libérée vers une autre source littéraire et de la traduction, tu t'es lancé dans la musique. Oui, voilà, ça a été... Mais il y a comme une différence entre ce que tu écris et ce que tu traduis, parce que c'est pas tes idées, c'est pas ton ressenti, c'est quelqu'un d'autre, donc tu dois pas trahir, tandis que toi c'est autre chose, là. Tu peux jouer sur le... Mais la traduction, elle apprend le style aussi. Oh oui, parce que c'est comme la rigidité aussi. Oui, la rigidité, et puis c'est comme la lecture, c'est-à-dire plus on lit, plus on s'imprègne, plus on découvre qu'il y a des styles différents, que l'écriture est originale, et plus aussi après on peut s'autoriser, mais j'avoue que Après les ateliers d'Alain Lepré, j'ai fait ceux de Chantal Green, qui est une autre dame vraiment moins connue, mais qui fait un travail considérable auprès des jeunes auteurs, de soutien, vraiment je tiens à le dire, quoi. Et puis ensuite, je suis allée chez Claude Lemel. Toujours à l'affût de ce qui me fuit, de ce qui m'a fui, de ce qui m'a fait. J'avale les couleuvres du temps qui se glissent dans mes yeux. J'avale le passé au présent et je n'y vois pas mieux, non, je n'y vois pas mieux. Je suis ce que je fuis, je ne suis plus ce que je fus. Ce que je fus s'enfuit, ce qui m'a fui s'enfuit. Et peut-être s'en fout, après tout, après tout. Après tout, qu'importe la fuite de l'histoire, pourvu qu'elle emporte aussi nos cauchemars, ça fera des trous dans nos mémoires. Circulera l'espoir, petit ver de terre amoureux, ça fera un heureux, ça fera un heureux. Je suis ce que je fuis, je ne suis plus ce que je fus. Ce que je fus s'enfuit, ce qui m'a fui s'enfuit. Et peut-être s'en fout, après tout, après tout. Que je fus, ce que je fus s'enfuit, ce qui m'a fui s'enfuit, et peut-être s'en fout, après tout, après tout. Je suis ce que je fuis, je ne suis plus ce que je fus, ce que je fus s'enfuit, ce qui m'a fui s'enfuit, et peut-être s'en fout, après tout, après tout. Et en fait, si tu veux... Tu as fait beaucoup d'écoles, tu as fait beaucoup de formations. Mais oui, parce que je me rendais compte que toute seule, j'y arrivais pas. Tu voulais que le bagage soit de plus en plus gros pour donner au public, là, pour puiser un peu partout dans ce que tu connaissais. Oui, c'est ça. Après, ça naît aussi de mon manque de confiance en moi. Ah oui? C'est-à-dire que le manque de confiance, eh ben, du coup, la conséquence, c'est le besoin de travailler pour se rassurer, besoin d'avoir des maîtres. Est-ce que tu veux avoir quelque chose à boire? Bonjour. Je veux bien une citronnade, s'il vous plaît. Une citronnade, sans sucre. Très bien. Moi aussi, mais est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Donc, mais au départ, quand tu étais étudiante, est-ce que tu te dirigeais vers cette avenue créative-là, ou c'est à force de rencontres? C'est, en fait, moi j'avais envie d'être comédienne, donc j'ai suivi... Alors, tes parents le savaient, parce que tu voulais te montrer devant... Mes parents le savaient, mais bon, c'était pas... Être comédienne chez moi, c'était pas très bien vu. Non, mais il faut que tu passes ton bac d'abord, après ça tu vois tes folies. Et puis en fait, j'ai eu, je pourrais dire, je sais pas si c'est la chance ou la malchance, de me passionner pour l'espagnol. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu l'espagnol dans ma vie, et ben j'aurais foncé et j'aurais eu que ça en tête et j'aurais forcé les portes. Okay. Mais il se trouve que je suis tombée complètement amoureuse de l'espagnol, de ce pays, de... Après, t'as visité l'Espagne avant de t'intéresser à l'espagnol, ou si c'est la langue espagnole qui t'a amené à l'Espagne? C'est la langue espagnole qui m'a amené à l'Espagne. Et c'est la culture espagnole qui m'y a fait m'y attacher, cette culture. Et donc du coup... Et qu'est-ce qui te plaît là-bas? la sensibilité. La sensibilité. La sensualité aussi, c'est un pays très sensuel. Oui, après, même ne serait-ce que la langue, quoi. J'ai un plaisir à parler cette langue. Tu parles très bien espagnol. Oui, je parle très bien espagnol parce que j'y ai vécu, du coup. Parce que j'ai fait des études d'espagnol. Du coup, je suis partie une année là-bas en tant qu'assistante de langue. Et cette année-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai très peu enseigné. Et du coup, je me suis inscrite à une école de théâtre. Et du coup, je suis aussi en espagnol. Donc, j'ai beaucoup appris, puis j'ai gardé des contacts. Puis après, j'ai passé une agrégation en espagnol aussi. Et puis, je suis devenue enseignante en espagnol. Ok, parce que là, tu as deux carrières. Professeur d'espagnol et également, tu es dans le milieu artistique. C'est-à-dire que, n'étant pas musicienne, dans le sens instrumentiste, l'éventail des possibilités pour pouvoir vivre de ce métier, il est très faible pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas accompagner d'autres chanteurs, je ne peux pas accompagner d'autres projets, je suis juste auteur-interprète. Et donc j'ai moi-même fait la mise en scène de mes spectacles, j'essaye de m'organiser le mieux possible, mais du coup, Mais ça te permet... ce travail de langue-là, de vivre un peu, tandis que le côté artistique, ben, tu essayes, mais c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'au début, j'ai rêvé comme tout le monde et j'aurais bien aimé. C'est sûr qu'au début, quand j'ai démarré, je me suis dit, mon boulot de prof, je vais le lâcher. Je me laisse deux ou trois ans. Voilà, et puis je vais faire ça. Mais pourquoi t'as pas voulu prendre une guitare et essayer de jouer de la guitare? J'ai essayé. C'est difficile. Et puis, j'avoue que quand j'étais aux ateliers de Claude Lemel, je le trouvais d'une grande sagesse, parce que quand on est sur ce chemin-là, c'est vrai qu'on se dit, moi je veux être ACI, parce que ça a été la grande mode là, des ACI, tu sais, les auteurs, compositeurs, interprètes. Bon, parce qu'on n'est plus dans l'époque d'Aznavour où c'était une œuvre, c'était trois collaborateurs, un auteur, un interprète et un compositeur. Là, on est passé à une époque où il faut être tout. Oui. Bon, alors moi, si tu veux, je suis arrivée dans ces ateliers où j'avais affaire à des camarades qui étaient tout. Et donc, je me sentais toujours un peu bancale, quoi. Donc, un peu insuffisante, je me disais. Donc, forcément, ça m'a poussée, je me suis mise à la guitare. Donc, j'ai appris les rudiments de guitare, mais je me suis rendu compte que les sons, les musiques qui sortaient, elles ne correspondaient pas à ce que je cherchais. Et Claude, il nous a dit, mais ne vous entêtez pas à vouloir tout faire, parce que parfois, une collaboration avec d'autres, elle va être beaucoup plus riche. Et vous arriverez à faire des merveilleuses chansons, alors qu'à vouloir tout faire, vous allez faire quelque chose de moyen. Donc si votre point fort c'est le texte ou c'est la musique... Mais ces professeurs-là vous ont bien équipé quand même, parce que souvent on nous fait croire des choses qui n'arriveront jamais. On nous fait croire qu'on peut aller plus loin, qu'on peut réussir quand, au bout du compte, tu te rends compte, après quelques années, que ce qu'on nous enseignait, c'était pas si ouvert que ça, qu'il y avait beaucoup d'élus pour le même emploi. Il y a beaucoup de comédiennes, hein? C'est pas si évident de faire sa place. Non. Et toi, comme comédienne, est-ce que tu essayes aussi de trouver des contrats, ou tu veux plutôt te lancer dans la chanson et abandonner peut-être un peu le rôle de... Alors, pour ce qui est de mon activité de comédienne, en fait, je dis oui quand j'ai des propositions. Que ce soit de faire de la voix ou alors... La voix off, tout ça? C'est plutôt des voix pour... j'ai fait des chansons pour les enfants. Ah oui, des comptines, voilà, des petits albums pour les enfants. Ah oui, j'adore. Ah ça, j'adore. Et puis, y a eu des projets en résidence avec le Conservatoire de Champigny. Donc, quand on fait des propositions... Je dis oui. Mais sinon, je n'ai pas l'énergie, parce que ça demande déjà tellement d'énergie de démarcher pour mon propre projet, que je n'ai pas l'énergie de... Donc voilà, je démarche pour mon propre projet. Mais on parlait des... Oui, on parlait des collaborations. Oui. Je voulais quand même dire que le fait de devoir faire appel à des compositeurs pour mettre en musique mes textes, ça m'a fait faire quand même des super rencontres, quoi. Et ça, je dois quand même tirer mon chapeau à Frédéric Aubin, une femme mariée, que j'ai rencontré il y a 3 ans déjà. Ah, c'est il y a 3 ans? Grâce à Pierre Fort. Alors Pierre Fort, je vois pas qui c'est. Tu connais pas Pierre Fort? Non. Auteur, compositeur, interprète. Français? Non. Ben oui, je l'ai rencontré ce midi, ce matin. Français, il est très très connu en Asie. D'accord. Il fait carrière en Asie. Ici aussi, mais donc c'est un ami. Et puis il est aussi membre du groupe Paper Moon. Ça, Ça, ça me dit quelque chose, voilà. Mais par contre... Et ils sont rendus à leur troisième opus. C'est un auteur qu'on voit sur Internet. Tu peux aller voir sur Internet, c'est mon ami. Puis il fait beaucoup de collaborations, donc si vous voulez, vous mettre... D'accord, parce qu'il est sur plein de projets. Donc c'est un homme tout assumé. Autant auteur, compositeur qu'interprète. D'accord. Puis il fait aussi de la production. Il produit des chanteurs, des chanteuses. D'accord. Quand tu vois qu'il y a quelque chose, là, il travaille avec la personne et il essaye d'en tirer le plus possible. D'accord. C'est un grand, grand bonhomme. Donc, moi, je l'ai rencontré il y a à peu près 2-3 ans. Et toi, dans la musique, qu'est-ce qui te différencie des autres? Bon, je pense qu'on est... Bon, j'ai cité Amélie... C'est très théâtral. Voilà, c'est ça. On n'est pas si nombreux, j'ai cité Amélie Les Crayons, on n'est pas si nombreux à faire ce type de chansons comme jouées. Comme musicale, on peut dire, hein? Non, c'est exagéré. C'est un peu exagéré. Okay. C'est un peu exagéré. Mais c'est de la chanson jouée, quoi. C'est-à-dire, on ne joue pas au chanteur, quoi. Tu vois, on est... Il y a des mises en scène, il y a quelque chose. Voilà, et puis on fait un pas de côté par rapport au rôle du chanteur, quoi. Tu vois, Oui, je ne saurais pas comment... Mais au début, avant de faire le premier album, le premier opus, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre de musique-là? Parce que tu aurais pu faire d'autres musiques. C'est Émilie, c'est ça, avant tout? C'est? Est-ce que c'est Amélie et les crayons? Tu veux dire en termes de style de musique? Oui. Parce que tu aurais pu faire de l'interprétation Barbara, de ces grandes-là, ou tu aurais pu composer toi-même tes propres écrits, mais dans une chanson plus classique française. Bon, moi, j'avais pas envie, justement, d'être cataloguée vieille chanson française. Okay. Donc, si tu veux, je me suis dit, j'ai pas la voix d'une rockeuse, parce que j'ai essayé, hein. J'ai essayé d'être dans un groupe de rock, je me suis dit, non, j'ai pas la voix d'une rockeuse, j'ai essayé de faire du jazz, je n'ai pas la voix d'une... Mais tu as quand même abordé le jazz. Ah bah oui. Quand tu te lances dans cette état envie de voir, de tester tes limites, de voir... et puis après, jusqu'où tu peux aller. Et puis, alors c'est sûr qu'il y a parfois des déconvenus, mais c'est bien parce que ça permet de savoir quel chemin il faut prendre. Tu vois, les portes qui se ferment, bah, ça permet d'orienter vers un chemin plus précis. Oui. Donc j'ai vu que non, le rock non, le jazz non, j'avais pas la voix. Et donc la chanson oui, mais j'avais pas envie de faire de la vieille chanson. J'ai envie de la chanson un peu pop, un peu folk. Qui raconte des histoires. Et qui raconte des histoires. Mais l'accueil de ton album en 2016, comment ça s'est fait? Comment les gens l'ont accueilli? Alors, on peut dire qu'il a eu un petit succès d'estime dans le milieu de la chanson pas connue. Tu vois, c'est-à-dire que je ne suis pas passée sur France Inter, sur France Culture, mais on va dire que j'ai été bien relayée par tous les médias type Hexagone, Francophone, Nos Enchanteurs. Hexagone qui est du Québec. Qui est du Québec? Oui, c'est prime abord une revue québécoise. Ah bon? Qui a aussi des tentacules en France. Avaler des balles, la vie avanti qui saoulait des poules. Nous on est des filles, on veut des étoiles. Nos corps avalanches, demain avachis. Nos corps de pervenche, le vent de vos nuits. Nous on est des filles, on veut des étoiles. Nous on est des filles, on veut des étoiles. Mais pas sous le voile. Non, pas sous le voile. Nos voix qui se lèvent et livrent en rafale. Le cri des filles d'Ève vibre magistral. Nous, on est des filles, on veut des étoiles. Nous, on est des filles, on veut des étoiles. Mais pas sous le voile. Un soleil ardent. Attends, tu parles bien de la revue Hexagone. Mais qui a été créée par David Desremaux. Exactement. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Ouais. Bah alors là, on parle beaucoup de chansons québécoises, francophones. D'accord. Garance Auvol, oui? Je ne sais pas ce que parle. Oui, c'est, on est dans le même collectif d'artistes. Je l'ai rencontrée, elle devait passer à mon émission parce que je fais des mini-concerts sur un banc public. Donc les gens arrivent avec leur guitare, avec leur instrument jusqu'à bouche et ils s'expriment pendant, ils font 4-5 chansons. C'est filmé, c'est capté et c'est pris en photo et c'est diffusé sur ses KRS. D'accord. Donc elle a été invitée à 2 reprises avec plein d'autres artistes là, du même genre. Puis ça fait des spectacles assez incroyables, surtout avec la vie urbaine. Ah oui, j'imagine. On entend les camions, les voitures, c'est super atmosphérique. Oui. Mais là, ça fait pas longtemps que tu l'as que ça a été posté? Ben, j'ai fait un concert hier, j'en fais un autre demain. D'accord. Et j'en fais à chaque année à peu près 2-3. L'année dernière, j'en ai fait 2, mais là, cette année, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Donc là, j'en ai fait 3. Le troisième, c'est demain. D'accord. Il y a plein d'artistes qui s'y joignent. Donc ça fait une saveur parce que tout le monde a un style différent. C'est des spectacles de 20-25 minutes, ça fait prêt à l'inviter. Ouais. Et donc, toi, c'est la musique que tu proposes, c'est un imaginaire assez ludique quand même. Alors, il y a les deux. C'est pour ça que ça s'appelle en sous-titre chanson fantaisiste et poétique. Ouais. Parce que ben, je trouve que c'est à l'image de la vie. Mais comment tu arrives à faire rire à travers des chansons? Est-ce que c'est la mimique, l'interprétation ou c'est l'écriture? C'est les deux. C'est les deux. Alors, j'avoue que j'ai plus de mal à écrire des chansons drôles. Alors, par exemple, les chansons drôles, la plupart, ce sont d'autres auteurs qui les ont. Oui. Parce que pour ce deuxième. Non, c'est pas en collaboration. Pardon? C'est pas en collaboration. Non, non. Donc. Mais pourquoi tu veux faire de la chanson humoristique si t'es pas à l'aise, toi, à l'écrire? Ben parce que j'adore les interpréter. Les interpréter, mais c'est jouissif, quoi. C'est-tu Bobby Lapointe un peu, dans le sens? Bah Bobby Lapointe, il joue beaucoup avec les mots, alors que les chansons qu'on m'a écrites, c'est des situations okay. aussi. Ah ouais. Donc en fait, il y a des choses à jouer, quoi. Et comme tu dis, des mimiques, des temps de silence, c'est d'être un autre personnage. Et moi, ce que j'adore, et c'est pour ça que je ne suis pas restée dans le théâtre et que la chanson me convient mieux, c'est que dans la chanson, on peut jouer plein de rôles différents. En un spectacle, on n'est pas cantonné à un seul rôle. Donc en fait, pour un comédien, c'est vraiment un énorme plaisir parce que en 2 minutes 30, ça y est, on a raconté une petite histoire, on a été un personnage et hop, la chanson d'après, on est un autre personnage. Et ça, c'est super. Et ton travail de clown doit t'aider aussi sur scène quand tu fais de la musique, de la chanson humoristique. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Mais si tu veux, pour moi, les chansons drôles, elles donnent du relief aux chansons poétiques plus sensibles et les chansons plus sensibles, elles donnent du relief aux chansons, elles sont vraiment complémentaires quoi. Et c'est parce qu'elles sont ensemble dans le même spectacle que et ben, je trouve qu'elles ont du relief quoi. Est-ce que c'est les mots qui amènent des idées ou l'inverse? Je pense que les mots amènent des idées, parce que figure-toi que quand on écrit, alors ça pour moi c'est presque proche de la psychanalyse, c'est-à-dire que tu es devant ta feuille blanche, tu rames, et puis au bout d'un moment, il y a des mots qui arrivent, et puis les mots tirent un fil, tu vois, et amènent de la pensée. Donc effectivement, les mots, par leur sonorité, ils amènent de la pensée. Et là on est vraiment proche de la psychanalyse, parce que c'est ça qui se passe. Freudien, l'inconscient, le conscient. Bah oui. Et du coup, effectivement, il y a un travail de recherche, d'aller puiser aux sources de l'inconscient dans l'écriture que je trouve fabuleux. Quoi. Alors c'est pour ça que pour écrire, je ne peux pas rester chez moi. Il faut soit que j'aille dans des ateliers parce qu'il faut que je sois obligée, tu vois, que j'ai une camisole, ou alors que j'aille dans un café. Et il faut passer le moment dur là, de la table et parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui surgissent. Mais il faut accepter la page blanche. Alors ça te surprend à chaque fois quand ça me surprend. Écrit. Mais oui, ça me surprend. Je me dis mais d'où je sors ça? D'où je... Et après, une fois que c'est écrit, je suis étonnée. Je me dis, c'est parce que ce texte ne m'appartient presque plus. Et la musique, tu confies ça à qui? Alors, la musique, eh ben, j'ai confié ça à des chanteurs dont j'avais... Des chanteurs? Oui, des chanteurs que j'avais vus sur scène ou que j'ai rencontrés à des stages. Par exemple, Frédéric Bobin, qui est lyonnais. Je l'ai rencontré à un stage j'ai adoré ses chansons et donc je lui ai demandé si vous voulez bien me faire l'honneur de me faire une musique. Et puis ça a marché tout de suite et il a eu beaucoup de plaisir à le faire et puis on s'est dit allez on continue. Et puis pendant un an on s'est donné de rendez-vous, moi j'allais à Lyon, lui montait à Paris. Et avec internet aussi c'est passé. Ah non mais avec Frédéric, autant avec une femme mariée, je lui confiais un texte et elle elle mettait la musique chez elle, elle faisait sa petite besogne. Sa petite besogne de son côté. C'est une femme extraordinaire. Hein. Extraordinaire, à tout point de vue, exactement, à tout point de vue. Constance, j'adorais ses textes, mais c'est vrai qu'on avait partagé une scène ensemble, et c'était aussi, humainement, c'était chouette de dire je collabore avec une amie. Ouais, c'est ça. Parce que la discussion a un peu bifurqué, oui, le travail, mais après, vous pouvez parler d'autre chose, puis elle a tellement de... Elle est ouverte à tout. Ah oui, c'est incroyable. Non, ça a été fondamental comme... Ça a été un coup de foudre. Amical, oui. Ah oui. Non, mais c'est ça exactement, amical. Ah oui, non, c'est... Et avec Fred aussi, hein. Avec Fred aussi. Et Fred, par contre, lui... Mais travailler avec un homme et une femme, la différence, elle est dans la subtilité aussi. Aucune différence de confier nos écrits au sexe opposé. La musique, est-ce qu'elle s'en ressent? Ou est-ce qu'on peut savoir que c'est une femme qui investit des mots de musique? Non, moi je crois pas. Je crois que c'est... Enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'impression de sentir... J'ai senti des différences de travail. Fred, il avait besoin qu'on soit ensemble pour créer les musiques. Pour que tu puisses lui dire, non, pas ça, on s'en va dans une autre direction. Il fallait qu'il soit là. Exactement. Parce que lui, il voulait pas faire de son côté, puis après, je disais, ça me plaît pas finalement. Ah, oui. Et lui, donc, il me proposait, et c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je disais, ça oui. Et ce qui fait qu'il avançait, et à chaque fois, moi, je validais au fur et à mesure qu'il avançait. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, on avait fini, et tous les deux, on était très contents. Tu vois, on était... Sur la même longueur d'onde. Exactement. Après, ça reste, c'est lui qui a créé les musiques. Hein. Moi, je n'ai fait que dire oui, non. Parce que c'est toi qui les rend sur scène. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise avec une... Ah ben non. Et puis, Constance, c'est vrai que comme elle faisait ça de son côté, j'avais plus peur. Parce que je me suis dit, oulala, quand elle va me l'envoyer, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que ça va pas me plaire? Parce que c'est dur de dire à quelqu'un qu'on apprécie, finalement, j'aime pas. Et puis, finalement, ça l'a fait. À chaque fois, ça l'a fait. Donc... Sur scène, tu demandes à tes mélodistes de se concentrer sur un minimum de musiciens? Sur un minimum de? De musiciens. Tu sais, si quelqu'un met des cordes, si quelqu'un a une idée d'enjoliver tes mots, ben, tu dis, ouais, sur scène, on ne pourra pas faire ça, j'ai pas les moyens. Pour l'album, j'ai tout confié à Martial. Et ça a été génial. Martial Bord qui m'accompagnait jusqu'à présent. Et ça a été génial parce que j'ai adoré tous les arrangements qu'il m'a fait. Donc, ça a été une chance aussi, parce qu'il aurait pu s'emparer des chansons et puis me faire des propositions qui n'auraient pas plu et ça aurait été compliqué. Là. Et toi, en plus, c'était moins grave parce que les chansons avaient vécu sur scène. Donc... Oui, les chansons avaient vécu, c'est vrai. Et est-ce qu'ils ont encore revécu par la suite quand tu as fait un album? Tu l'as reproposé sur scène ou si c'était terminé? On continue. Encore le même spectacle? Ah oui, on continue encore le même spectacle parce que je n'ai pas tant joué que ça, tu vois. Tu en fais combien à peu près par année, une vingtaine? Non, j'en fais moins. Je dois en faire une fois par mois. C'est pas beaucoup, hein. Non, j'en fais pas. Tu n'as pas de tourneur, tu n'as personne? Non. Mais est-ce que tu travailles à trouver quelqu'un pour s'investir dans ton projet? Disons que j'espérais qu'avec la sortie de l'album, je pourrais bénéficier de l'aide à l'autoproduction qui aurait pu me permettre de trouver quelqu'un pour m'aider, mais je n'ai pas bénéficié de cette aide. Ça j'en sais rien. C'est le hasard des... Tu sais, je pense que c'est des commissions qui se réunissent un certain nombre de fois, de fois par an. Ouais. Et puis, peut-être que la fois où ils se sont réunis, il y avait des gens beaucoup plus talentueux que moi. Je ne sais pas, tu vois, on ne m'a pas dit la raison. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vrai que je comptais un peu sur ce budget pour faire avancer les choses. Du coup, j'en suis au même point. C'est-à-dire que c'est à moi d'aller chercher les contrats, les... Est-ce que tu as des chansons en préparation? Alors là, non, parce que justement, ça me prend tellement d'énergie d'aller chercher des contrats. Tu vois, par exemple, demain on a un concert à domicile à Gennevilliers. Ça, c'est bien, ça. Oui, ça, c'est super. Ça, par exemple, c'est un concert que c'est des gens que j'ai rencontrés parce que j'ai aussi un autre projet qui est le parapluie jukebox. Tu sais, je me balade avec un parapluie qui est sonorisé. Et donc, j'ai fait une déambulation lors d'un... d'une fête à Nières et à Clichy, et j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées par ce concert à domicile. Bon, bah, tout ça, ça me demande de la préparation, quoi. Et alors, attends, je me suis perdue. C'était par rapport à l'écriture. Ouais. J'ai reçu ce matin mon nouveau sèche-cheveux acheté sur Internet. Il est vachement puissant, si je le mets sur 8, je peux chauffer la planète. Il est produit en Chine et son turbomoteur est en fibre de titane. Lorsque je l'ai branché, j'ai cru voir s'envoler plusieurs fusées Ariane. Bah oui, je suis très fière de vivre en nucléaire. Ce soir des amis viennent, j'ai fermé les persiennes, allumé toutes les lampes. J'en ai 4 au salon, 3 collés au plafond et puis 6 qui serpentent. Elles changent de couleur, c'est clair à tour de rôle, paraît que c'est tendance. Si je les allume ensemble avec celles du balcon, je peux éclairer la France. Bah oui, je suis très fière de vivre en nucléaire. L'été est arrivé, j'ai mis la clim en marche, je voulais un peu de fraîcheur. J'ai trop poussé le bouton, il y avait des glaçons jusque dans le radiateur. J'ai dormi en chaussettes avec un gros bonnet pour supporter la bise. En allant aux toilettes, j'ai croisé un pingouin marchant sur la banquise. C'est une vraie cure d'opium de vivre à l'uranium. Hey, allez, chauffe, Martial. Et pourquoi j'ai l'accent marseillais là? Dans le gouvernement, une bande de crétins s'en prennent au nucléaire. Ils veulent tout arrêter, le chauffage, la télé, même la lumière. Mais moi je ne veux pas d'une vie de bohémien ni de moine bouddhiste. Heureusement qu'on a, sous notre tour Eiffel, trouvé du gaz de schiste. Elle est vraiment rêvée, ma vie d'irradier, papadabadabada. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Barlier. En fait, je vais devoir, je pense, là j'ai des contrats jusqu'en janvier 2018, j'en ai en septembre, en octobre. Tu fais combien de dates de spectacle jusqu'à ce temps-là? Pas beaucoup, 8, tu vois. Là, tu as un travail parallèle et tu merci. Voilà, oui. Mais si tu veux, c'est quand même assez régulier. Ça fait une ou deux fois par mois. Ouais. On reprend en septembre, enfin fin août, on reprend. Puis on en a un en août, deux en septembre, trois en octobre. Tu vois, ça. C'est toujours dans des. Est-ce que c'est des salles ou des maisons privées? Alors, il y a de tout. Par exemple, en septembre, c'est dans une association qui organise. S'appelle Chantons sous les toits, c'est dans le sud, et qui organise de la chanson à domicile. Ah oui, c'est mais c'est l'association qui s'en occupe. Ah oui, oui. Alors ça doit être assez payant, ces petites choses-là. Ça doit être assez. Rémunérateur. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah. Pas tant que ça. Mais bon, après, c'est génial de chanter dans ce cadre-là. Il y a un peu d'argent, mais ouais. Bon, voilà. C'est de faire vivre les chansons aussi qui était ça. Pardon? C'est de faire vivre les chansons. Bah oui, c'est de faire vivre les chansons. Ah, oui. De se produire sur scène, que ce soit n'importe où. Oui, c'est même bien. Si c'est dans un salon, de faire entendre, c'est déjà. Oui, c'est les faire connaître, c'est les partager. Après, on a. Mais quand tu fais ça dans un salon, vous êtes deux? Oui, on est deux. Mais d'ailleurs, tu sais. Guitare-voix, ouais. Quand j'ai fait ma sortie d'album, j'avais demandé conseil à Danielle Molko, qui est une dame qui est décédée entre-temps, qui tenait les éditions Abacaba. Et je l'avais rencontrée dans le cadre des ateliers de Claude Mel, parce qu'il nous faisait rencontrer une fois par mois un professionnel de la chanson. Et donc j'avais eu la chance de pouvoir avoir un entretien avec elle. Elle avait écouté l'album et tout ça. Et je lui avais dit que pour ma sortie d'album, je comptais faire venir un contrebassiste, un percussionniste, etc. Puis elle m'a dit, mais pas du tout, restez avec votre configuration guitare-voix, vous n'êtes pas assez connu pour pouvoir prétendre jouer dans des festivals avec quatre musiciens, quoi. Ah ouais. Vous allez coûter trop cher. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai suivi ses conseils, on est resté en guitare-voix. Et là, tu vois, en octobre, on va jouer dans un festival à Annecy. En guitare, ouais. Un festival. Où? À Annecy. Annecy, oui. Ça s'appelle Attention les feuilles. c'est l'automne? Est-ce que c'est en automne? Oui, c'est en automne. C'est Attention ça. Les feuilles, c'est ça. Bon. Et en fait, bon, bah voilà, on est en formule guitare-voix et je me dis, bah c'est. Sinon, moi je m'en sortirais pas. C'est une salle pas. Plein air? Non, c'est une très belle salle d'ailleurs. C'est la salle Rabelais. C'est une très belle salle. C'est quand même. Tu travailles autant dans des endroits un peu plus clos comme un salon que dans une belle salle. Ah oui, il y a tout. Et puis là même, on va faire à la rentrée, on va jouer à l'Université Columbia pour des étudiants américains qui viennent suivre des cours. Donc je vais leur faire un atelier d'écriture de chansons. Et c'est des anglophones qui parlent un peu français? Ils viennent pour apprendre le français, pour suivre des cours de français, mais à un haut niveau quand même. Ok, alors donc ils maîtrisent bien la langue française. Voilà, ils la maîtrisent, donc je vais leur donner un atelier d'écriture de chansons, et ensuite on fera un concert. Ah oui, c'est donc, bon. Effectivement, il faut multiplier, il faut être un peu tout terrain, quoi. Tu vois, dans des... Et comment tu fais pour avoir ces contrats-là? C'est toi qui frappes aux portes et... Par exemple, l'université américaine, c'est ma voisine qui est une amie, qui est prof dans cette fac. Là, tu vois, dans le salon, c'est en faisant une déambulation dans la rue, dans le cadre d'une fête de commerçants. Pour Chantons sous les toits, j'ai passé une audition. C'est-à-dire chaque année, ils auditionnent des artistes. Qui font partie de leur catalogue ensuite et ils proposent aux habitants. Ouais. Oui, parce que, et après ils proposent aux habitants de choisir les artistes qu'ils ont envie de programmer chez eux. Il faut que ce soit ludique, c'est une fête, c'est pas. Il y a tout, hein. Il ne faut pas forcément que ce soit ludique, hein. Il y a Garance par exemple, elle l'a fait, j'entends sous les toits. Okay. Tu vois, Frédéric Bobin aussi. Je pense que à Festival Attention les feuilles, c'est parce que comme Frédéric, il a plus de visibilité que moi. On a été programmés tous les deux la même soirée. Ok. Si tu veux. Lui fait la première partie, exemple, toi la deuxième. Voilà. Le fait qu'il ait fait les chansons, les musiques de la plupart des chansons, c'est vrai que ça. Ça a aidé un peu. Ça a aidé. Je dois l'avouer. Une clé pour ouvrir la porte. Bon, ça commençait un peu, mais c'est vrai que ça a aidé, quoi. Ça. Oui. Et puis, il faut dire que les chansons, elles sont chouettes aussi grâce à sa collaboration. Est-ce que tu rajoutes des chansons nouvelles ou tu restes avec le même concept d'album que tu avais? Alors pour l'instant, si tu veux, moi, tant que je peux tourner ce spectacle, je veux le tourner. Mais il y a ta enregistrement actuellement. Pardon? Tu as juste un récital de préparer. Voilà, c'est ça. Il fait 1h15, il y a 20 chansons. Et donc, je voudrais pouvoir le jouer le plus longtemps possible. Ça fait que 2 ans que je tourne. Bon, il peut encore tourner 2 ans. Après, moi, je vois bien que pour écrire des nouvelles chansons, j'ai besoin de me poser, quoi. Donc, il y aura sans doute un moment où je vais devoir lever le pied, me mettre un peu entre parenthèses. Pour écrire. Et j'ai besoin de me... As-tu quelque chose à dire? Pardon? Est-ce que tu sens que tu as quelque chose à dire? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je sens que j'ai surtout des choses à vivre. Mais tu n'as pas pris de notes? Si, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes. Mais si tu veux, là, je sens que j'ai une boulimie de lecture, donc je sens que j'ai besoin de me ressourcer dans les lectures, dans les voyages, parce qu'avant de faire de la chanson... Là, tu vas prendre des vacances, là? Ah oui, je vais repartir en voyage, en Espagne, parce qu'avant de faire de la chanson, je voyageais beaucoup. Okay. Et si tu veux, toutes ces lectures, tous ces voyages, ça m'a beaucoup nourrie. Et maintenant, je sens que j'aurais envie d'écrire à nouveau des chansons, mais je sens qu'il y a une étape nécessaire avant, c'est de revivre... Et tu pourrais écrire quelque chose de mieux si tu voyages ou tu reviens après. J'ai besoin de me... Parce que sinon, je vais réécrire les mêmes choses. Ouais. J'avais le nez dans le guidon entre la préparation d'album, les cours d'espagnol que je n'aime, les démarchages, j'avais le nez dans le guidon. Donc là, j'ai besoin de lever le nez, d'aller vivre, d'aller à la rencontre des autres. Et c'est quand ça, ton voyage hein? Alors, cet été, je pars un mois en Espagne. Bientôt? La semaine prochaine. Ah, oh! Et puis après, on va dire que c'est dans l'année qui va venir, c'est prendre du temps, quoi. Parce que, par exemple, tu vois, les 2 dernières années, j'ai pratiquement pas lu. Parce que j'étais affairée à fabriquer mon album, affairée à trouver des gens, à trouver des plans. De l'argent, à trouver ça. Tu vois, ça occupe beaucoup. Ouais. Et Bon, voilà, moi j'ai envie de retourner aux sources d'abord, et puis aussi, c'est aussi par honnêteté, par rapport à, aux choses qu'on veut partager, quoi. Je veux pas fabriquer de la pensée. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que ce soit authentique, tu veux que ce soit autre chose que ce que tu as déjà écrit, tu veux pas que ce soit... Bah oui, je veux pas que... Bah oui, c'est ça. Je vais pas me plagier moi-même. Tu dois vivre avant d'écrire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai besoin de respiration. Ah oui. Et je suis lente, tu vois, j'ai démarré tard la chanson. Donc, de toute façon... Mais pourquoi tu t'es dit, je veux me consacrer à la chanson, peut-être avoir un enfant à côté, mais c'est un appel? Ah, c'était un appel, parce que si tu veux, moi, j'ai eu l'impression de m'être cherchée toute ma vie, et tout d'un coup, ça rassemblait tout ce que j'avais semé, venait se rassembler, et je pouvais à la fois être la comédienne, celle qui écrit, celle qui chante, celle qui joue, celle qui collabore. Voilà, tout venait se rassembler là, et en plus, par rapport à une pièce de théâtre où c'est compliqué, il faut un décor, là, je pouvais tout faire pratiquement moi-même, donc... C'était une évidence, quoi. C'était une évidence, et plus qu'une évidence, c'était vital. C'était vital. Il fallait que je le fasse. C'était pas possible autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. J'ai 10 questions et j'ai hâte d'avoir savoir une idée. Ça, c'est intéressant. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De l'eau. Juste de l'eau. De l'eau, le fleuve, ou de l'eau du robinet? C'est l'eau qui rafraîchit. De l'eau d'une fontaine. Surtout en été, ça fait... Hein? Voilà, l'eau d'une fontaine, parce que les fontaines, c'est ouvert à tous. Oui, c'est vrai. Et on peut s'y rencontrer. C'est vrai. La rencontre humaniste. Voilà, c'est ça. Si tu étais une ville... Ah, je serais Grenade. Ah oui? J'adore cette ville. Et c'est un endroit, je trouve, qui est très chargé. Est-ce que tu t'y reconnais facilement dans cette ville-là? Ben, c'est-à-dire que j'aime c'est ce mélange. Pardon? C'est dépaysé? Oui, je suis dépaysée et puis à la fois, j'ai l'impression d'y avoir des repères. Okay. Mais c'est un peu comme Paris. Si tu veux Paris, je ne vais pas faire, je vais pas être chauvin, quoi. Ah. Mais j'aime beaucoup cette ville parce que tu vois, par exemple, là, tu me donnes rendez-vous à Montmartre. Moi, j'habite sur une autre butte. J'habite à Jourdain. Okay. De ma cuisine, je vois Montmartre. Okay. Parce que c'est une autre butte. Mais je ne viens pas souvent ici. Donc, là, tu la vois en direct, mais sinon tu la vois de chez toi. Je la vois de chez moi. Mais si tu veux venir me balader dans ces quartiers parce qu'on m'y a donné rendez-vous, bah, c'est génial, j'ai l'impression d'être un peu touriste, oui. Une demi-journée, tu vois. Enfin, Paris, pour ça, c'est super. Si tu étais une langue... Ah ben, ce serait une langue vivante. Ce serait l'espagnol. Mm-hmm. Bon, là, c'est un peu... C'est ta deuxième langue? C'est ma troisième. Français? J'avais fait anglais, allemand et après espagnol. Donc tu vois, l'ordre n'y fait rien à l'affaire. Non. Ce qui compte, c'est l'intensité. Oui, c'est exactement. Et les vibrations, tu te sens plus à l'aise dans l'espagnol que l'anglais. Je suis la fille par chemin qu'on décachette de la main. Tu me déroules et je dévoile mon corps dans la lumière pâle. Je brûle pour qu'enfin tu me lises et que tes yeux me dévisagent, que tu trouves la lecture exquise, t'arrêtant sur mes doux passages. Prends garde à ne pas me frôler de ta flamme qui vient m'éclairer, car je peux vite m'embraser. Sous ta chaleur me crépiter. Je suis la fille par chemin qu'on décachette de la main. Tu me déroules et je dévoile mon corps dans la lumière pâle. Applique-toi dans l'addiction, prends mes mots doucement dans ta bouche pour ce cri en pâte de mouche. Approche-toi, ils te diront. Prononce bien tous mes accents, mais pour cela il faut les voir. Je sens que la flamme descend. Nous allons rester dans le noir. Tu m'achètes de la main. Tu me déroules et je dévoile mon corps dans la lumière pâle. Je suis la fille parchemin. Notre ami Pierrot le sait bien, qui ne t'a pas ouvert sa porte. Et je suis devenue, et je suis devenue l'être morte. Ah, c'est dur ça, c'est dur. Si j'étais une époque. Après, je voudrais pas. J'ai envie d'essayer d'être en phase avec cette époque que je trouve formidable, quoi. Elle est aussi très. Elle est terrible à la fois. Et à la fois, il y a plein d'initiatives qui se créent que je trouve formidables. Ouais. La misère est remplacée par l'aide humanitaire. Voilà, il y a d'autres choses. Mais ce que j'aurais bien aimé connaître, c'est les années 60. Ouais, les années 60. Tout était à refaire. Voilà, cette espèce d'utopie. L'effervescence. Ouais, mais 68. La liberté, c'était, ouais, je pense que ça m'aurait plu. Si tu étais un mot. C'est pas possible, c'est trop difficile tes questions. Hein? Il y en a trop de mots. Oui, il y en a trop. Ouais. Si tu étais une saison. Je peux pas choisir non plus, c'est trop difficile ce que tu me demandes. Ah oui? Parce que j'aime les saisons. J'aime que ça tourne et j'aime les cycles. Et si tu veux, à un moment donné, quand j'ai vécu en Espagne, je me disais, oh, ça me manque l'hiver qui n'arrive pas. Tu vois? Je peux pas choisir. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un fruit. Je serais un fruit. Lequel? Un fruit défendu. Une pastèque. Ah oui, Très rafraîchissant. C'est loin d'être défendu. Si tu étais un membre corporel. Ben, je serais les mains. Les mains. Tenir le micro pour écrire, pour serrer les mains. Serrer les mains, et puis toucher. Oui, les mains. Si tu étais un moment de la journée. Alors, le moment de la journée, c'est le petit matin, vers 7 heures, quand les oiseaux commencent à chantonner, voilà, qui fait encore frais. Que tout le monde, enfin, même l'hiver, c'est-à-dire qu'il fait nuit, et ça j'adore. Puis tout est permis, hein, la journée recommence. Voilà, c'est ça, c'est ouvert sur l'espoir. Si tu étais un autre individu. Je voudrais être quelqu'un qui ait plus confiance. Ah, tiens, parce que tu doutes beaucoup. C'est pas un métier où. On ne doute pas nécessairement, c'est vraiment tout le temps à remettre en question. On ne sait jamais si on a fait le bon choix. On travaille souvent à l'arrache. C'est pour ça qu'on se repose tout le temps les mêmes questions. Est-ce que j'ai ma place légitime dans ce créneau-là, c'est ça? C'est peut-être pour ça qu'on fait ça aussi, parce qu'on doute, alors. Je ne sais pas. Ouais. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai commencé sur le tard. Mais en même temps, il faut savoir que c'est pas vraiment notre chemin avant d'en emprunter un autre. Ça prend du temps. Bah, à choisir, c'est vrai que j'aurais aimé avoir cet appel ce courage et cette audace de le suivre plus tôt. Parce que ce qui m'a manqué depuis toute petite, je voulais faire de la scène, je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du partage avec le public. Mais j'ai manqué de confiance et donc j'ai suivi des chemins de travers. Donc oui, si c'était à refaire, je pouvais avoir un souhait pour une autre vie, ce serait... Tu crois à la réincarnation? Non, je ne crois pas à la réincarnation. Mais enfin, tu parlais d'autre vie? Bah, là, c'est parce que tu me dis si... On fait la projection, oui. Ouais, la réincarnation. Moi, j'y crois. Hein. Okay, parfait, moi, je m'embarque. Okay, parfait, on y va. On n'ira pas vite, comme tu veux. En bac, on n'ira pas vite. Et bah, du coup, oui, j'aurais aimé pouvoir commencer ce chemin plus tôt. Mais après, voilà, il faut accepter aussi ce qu'on est. Est-ce que tu trouves qu'avec les années, c'est moins difficile ou ça n'a pas changé grand-chose? Et qu'est-ce qui est moins difficile? Est-ce qu'on t'appelle davantage ou tu dois défricher autant qu'au début? Tu veux dire dans le milieu de la chanson? Oui. Bah, disons que moi, ça fait pas tant de temps que ça que je suis dans le milieu. Ça fait 4 ans à peu près? Oui, à peu près. Ouais. Enfin, un petit peu plus, mais au début, j'étais vraiment... Moi, je me rappelle plus d'ailleurs. Oui, ça fait à peu près 5 ans. Bah, disons que... Tu veux que je vérifie ça? Bah oui, vérifie, dis-moi. J'ai dit à peu près 5 ans, oui. Tu as une formation aussi en gymnastique, t'as plein de... Ah oui, je savais, oui, mais tu vois, je savais pas où aller. Mais ce que je veux dire par rapport à ta question, bah en fait, là... Est-ce que c'est plus facile avec les années? Est-ce que tu sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent? Ah bah oui, c'est-à-dire au début, j'avais pas du tout de visibilité et personne ne me connaissait. Voilà. Et, alors que là, maintenant... Ça va un peu mieux. Voilà, le milieu m'a identifié. Mais c'est, on te reconnaît quand même. Voilà, maintenant je suis identifiée. Mais attention, hein. Dans le milieu de la chanson pas connue, hein, oui. Didier Varro de France Inter, il m'a pas du tout identifié. Non, mais Jeanne Chéral a commencé à quelque part, ses 3 premiers opus c'était pas connu, là. Jeanne Chéral, bien sûr, j'adore. Avant d'être connue, elle en aura un coup. Oui, non, c'est sûr, bon, c'est sûr. Il faut attendre un peu, mais après là, ce qu'il y a, c'est que comme le milieu devient plus difficile, je sais pas s'il y a de la... Il y a vraiment de la place pour tout le monde, quoi. Tu vois, donc, Alors, tu as peut-être cette visibilité-là aussi de t'arrêter. Peut-être que quoi? De t'arrêter, si tu vois qu'il n'y a pas... Pour l'instant, je ne peux pas envisager ça. Mais non. Parce qu'en plus, c'est un projet que tu caressais, que tu as monté, qui roule depuis 2 ans. Ouais. Et puis, il y a un album aussi qui... Non, je ne peux pas envisager ça. Les vacances vont déboucher plus tard sur une autre création. Donc oui, tu c'est bien sûr. Un album. Oui, l'objectif, que c'est... Tu prévois sur quoi, 2018? Ah non, ce sera trop tôt. Parce que, si tu veux, si j'écrivais moi-même mes musiques, oui, je pourrais dire ça. Mais dans la mesure où il va falloir que je fasse appel de nouveau à d'autres collaborations pour les musiques, ça va mettre du temps. Est-ce que tu vas essayer de trouver des musiciens là-bas? Ah non. Je pense que je vais de nouveau faire appel à... Oui, parce que maintenant je suis en contact. Ça a bien réussi. Mais donc, oui. Et puis j'ouvrirai sans doute pour essayer d'autres choses. Mais si tu veux, au début, j'ai ouvrir les portes, ça a été long. Ah oui. Alors que là, je me dis, voilà, il y a déjà ce travail qui est fait. Les gens ont confiance, ils savent qu'ils ne vont pas bosser pour rien, que les chansons créées, j'en ferai quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour que tu puisses vivre heureuse et épanouie dans ton milieu artistique? Que je puisse continuer à faire d'autres belles rencontres comme j'ai faites, parce que c'était quand même fabuleux. Quoi. Au début, tu arrives, tu connais personne, tu ne sais pas à qui te fier, et puis au bout de 4-5 ans, il y a déjà des gens sur qui tu peux compter. Tu montes sur scène, tu reconnais certaines personnes. Ah bah oui. Donc la clique commence à se soulever. Oui, et puis on s'aide, on s'entraide. L'orteil, t'es pas un peu enrhumé, tu viens pas d'éternuer. C'est pas ma moutarde à l'oseille qui te monte au nez. Vraiment, elle est bien pour moi, cette petite larme. Tu n'as pas coupé d'oignon, t'as pas piscine, aujourd'hui ce serait pas ton allergie. je rêve, ça s'arrose. Tu pleures enfin, mon chéri. Non, je rêve, c'est grandiose. Ce serait pas de la comédie. Dis, je veux toucher cette rosée qui chemine doucement sur ta joue et qui descend. Ça te fait comme une goutte au nez. Attends, je la prends. Bouge pas, oh, zut, elle est tombée dans ton café. Pardon, ah mais non, mais pas du tout. Non, t'as pas l'air d'une mauviette. Ça te va même comme un gant. J'adore quand tes sentiments montent à la tribune et soumettent leur fragile élan. Oulala, bouge pas, ça va recommencer. Une larme, une vraie. Non, je rêve, ça s'arrose. Tu pleures enfin, mon chéri. Non, je rêve, c'est grandiose. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, je rêve. Ça s'arrose, tu pleures enfin, mon chéri. Oh, mais quelle métamorphose! Enfin, un homme dans mon lit. Si tu veux, il y a aussi le sentiment de faire partie d'une famille. Ouais. Moi, je fais partie d'un collectif de chanteurs qui s'appelle Les Beaux Esprits. C'est avec eux aussi, je ressens beaucoup ça. Cette entraide. Vous aidez à la création, vous vous aidez à l'écriture. On vous fait lire les écrits et vous commentez. Vos... C'est plus du soutien moral, c'est quoi. Okay. C'est plutôt de partager ce qu'on fait, de se faire découvrir, de se donner des conseils. Alors, à certaines personnes, puis ils vont dire un peu leur ressenti. Voilà, c'est ça. On va partager des scènes, où on va partager nos difficultés, on va se confier. Enfin, c'est-à-dire que la dimension humaine soit là, quoi. Ouais. Moi j'ai vraiment fait des très belles rencontres. Alors si tu veux, c'est ça aussi qui donne un sens à cette aventure musicale. Parce que si c'était juste sortir un album et avoir du succès, je trouve que ça... Le succès, tu peux l'attendre longtemps. Bah oui, c'est... Non, c'est... Non, ce qui... Moi, si tu veux, si je peux continuer à rencontrer des belles personnes et à... Avancer, oui, je... Voilà, je serais comblée. Avant de se quitter, qu'est-ce que tu veux dire dans tes textes et sur le prochain album? Quelle vision tu veux offrir, tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux raconter? Encore de la féerie, encore des histoires, raconter des histoires comme le chantait Serge Reggiani? Dans les chansons sensibles, poétiques, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas drôles. Forcément, enfin, sans être une chanteuse engagée, je trouve que quand on est chanteur, on est ancré dans une époque. Et forcément, ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants, avec l'Amérique, avec la mondialisation, avec le terrorisme, je n'en suis pas, je ne suis pas indifférente. Donc forcément, je pense que ça traversera mes textes. Et aussi l'amitié, la force des relations, parce que ça m'a submergée, quoi. Ces dernières années, vraiment, j'ai mesuré à quel point c'était précieux. C'est quelque chose ce à quoi je voudrais rendre hommage, quoi. C'est la force des relations. Après, pour les choses rigolotes, écoute, la vie de tous les jours, là, j'ai pas d'idée précise, mais j'ai pris plein de notes et... Est-ce que tu te souhaites de pouvoir en écrire des chansons rigolotes? Ah bah oui. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'essaye. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont de moi, quand même. Mais si je vois que je sèche et que j'en ai pas assez... Tu vas vite laisser à quelqu'un d'autre qui fera quelque chose de mieux. Est-ce que tu y arrives avec un thème ou tu le laisses aller? Est-ce que j'ai? As-tu un thème à lui proposer ou tu dis, vas-y, trouve-moi une chanson rigolote? Ah bah, il y a eu les deux. Par exemple... Les deux cas de figure ont eu lieu et auront sans doute lieu, c'est-à-dire soit il y a un thème et puis la personne le fait, soit on me propose et puis de toute façon, quel que soit le thème, pour une chanson rigolote, ce qui compte, c'est la forme, ouais. C'est la façon dont ouais. elle est traitée. Et finalement, tout peut être traité de façon rigolote. Et c'est l'interprétation aussi que tu en donnes. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que ton travail de clown rentre beaucoup dans l'univers de la chanson rigolote? Est-ce que tu joues beaucoup avec ton détournesse? Oui, ah oui, oui, ça oui. Puis toi, j'ai vu aussi que tu connais des accessoires, hein, Oui, c'est conceptuel. Oui, c'est conceptuel. Il y a un travail de mise en scène, oui. Et l'autre disque, concert que tu vas préparer suite au disque, est-ce qu'il va encore avoir la même facture? Eh ben non, justement, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que je prenne du temps. Tu vas faire un virage. Ben, je sais pas si c'est un virage, mais disons que je veux pas qu'on se dise « Ah ben c'est la même, concert. Ouais. » Ah oui, je comprends. Mais par contre, si tu veux, on ne peut pas non plus complètement se nier, quoi. Je ne veux pas devenir une rockeuse punk, tu vois. Je pense que... Il faut proposer quelque chose de différent, mais que les gens qui ont aimé l'univers que j'avais puissent quand même le retrouver. C'est ça, mais tu peux aussi aborder une autre avenue de l'interprétation que tu ne connais pas aussi, peut-être. Tu vas te surprendre. Ça, c'est sûr. Parce que c'est ça, quand tu montes sur scène, on se surprend souvent. Et ça, c'est sûr, oui. Est-ce que tu es du genre, avant de se quitter, du lâcher prise, est-ce que ça t'arrive de vivre une sorte de transe dans tes chansons et de revenir après et dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Eh bien, tu vois, c'est curieux que tu me poses cette question parce que sur scène, c'est le seul endroit où... moi, je suis pas comme ça dans la vie, en fait. Heureusement, parce qu'il faut avoir... Ce qui tient à vouloir emporter le délire, c'est le micro, sinon c'est... C'est ça. C'est sûr, oui. Ça, c'est ton garde-fou. Voilà. Et en fait, sur scène, il se passe un truc, j'ai l'impression que même c'est pas moi, tu vois. Il y a une autre personnalité qui se révèle, et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime la scène, c'est parce que ça se passe à cet endroit. C'est ton côté actrice aussi. Voilà. Mais qui... des rôles. C'est ça. Et effectivement, parfois, il y a plein de situations d'improvisation quand on est face à un public. On sait jamais ce qui va arriver. Et je me rends compte que j'ai la répartie. Ouais, t'as une facilité. Alors que dans la vie, mais pas du tout. T'es coincé un peu plus coincé. Oui, dans la vie, j'arrête pas de bégayer, j'hésite, et je me dis, mais c'est incroyable que j'ai cette assurance. Et d'ailleurs, mes amis n'en revenaient pas parce qu'ils me disent, mais c'est incroyable, t'as une assurance sur scène qu'on ne te connaît pas du tout dans la vie. Et bien, c'est comme ça. Et donc, c'est un peu comme on te place sur une scène et on ouvre la cage et tu t'envoles. Ben, c'est-à-dire que sur scène, j'ai pas cette timidité que j'ai dans la vie. Parce que c'est plus toi. Ben, donc, tu t'autorises à faire autre chose. C'est ça, je m'autorise. C'est la... Et puis, il y a plein de convenances. Hein, t'es une femme, tu es connue, tu as un travail haut, donc tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tandis que sur scène, tu peux tout faire. Et puis, c'est comme si c'était marqué « Ici, vous pouvez être... » quelqu'un d'autre, ici vous pouvez y aller. C'est comme si on avait le droit, c'est la cour de jeu, et on peut faire tout ce qu'on veut. Délirer. Et après, hop... Pour que le public se prenne du plaisir. Ben oui, puis alors, là pour le coup, quand tu dis le public, c'est vrai que sans public, on n'y a rien. Ça, et puis ça ne marche pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de va-et-vient. Oui, et parce que la puissance arrive du public. Mais c'est ça. C'est vice versa, toi tu en donnes, eux autres... Mais c'est pour ça que j'aime mieux jouer dans les endroits petits, où je peux voir la tête des gens, parce que leur réaction alimente en fait ma folie. Et les grandes scènes, alors c'est sûr c'est flatteur d'être sur des grandes scènes, mais en fait pour moi c'est très flippant. Voilà, c'est flippant. Et donc du coup, il faut vraiment que j'aille puiser dans ma confiance en disant... Tu peux aussi faire appel à un public imaginaire, tu fais ça. C'est ça, il faut imaginer. C'est moins facile, je trouve. Ouais. Ah oui? Ah oui, je trouve que c'est ça, c'est peut-être la force d'en jouer, des personnages imaginaires, un monsieur qui n'existe pas, mais qui... Ben, je pense qu'il faut faire ça. J'avais suivi un cours au hall de la Villette, hein, où il y a des cours des ateliers d'interprétation de chansons, et il m'avait dit ça. Parce que je lui dis, on répétait dans une salle où on voyait rien, et je lui dis, tu sais, moi, si j'ai pas d'accroche, j'arrive pas à accrocher à des yeux, un regard, je sais pas à qui je m'adresse. Et il m'avait dit, mais imagine, essaye d'imaginer les spectateurs. Et en fait, ça m'avait aidé, c'est vrai, mais c'est plus facile quand je les vois. Alors, à venir, c'est des vacances. Ensuite, c'est encore ton spectacle que tu rôdes pendant un an. Oui, c'est ça. Et un album en 2019, éventuellement. On va voir, peut-être, oui. Même peut-être. Pas? Ben, c'est-à-dire que j'arrive pas à placer une date. Pardon? À placer une date. Non, parce que je pense qu'il y aura Il y aura un spectacle avant l'album. Je pense qu'il comme l'autre. C'est-à-dire okay. qu'on va d'abord le jouer. Le tester, le vérifier. Avant de ah bah oui, avant c'est, de c'est la sortir. Meilleure école. C'est la meilleure école. Donc, le nouveau spectacle, oui, peut-être pour 2019. Okay. L'album, je ne sais pas. C'est une histoire à suivre. C'est une histoire à suivre. D'ailleurs, je vais t'en donner un, l'album. Ah oui, merci, merci. En bas, il y a la foule qui m'attend pareil à la marée. On peut s'y perdre ou s'y noyer. La marée basse, je passe à marée haute, je saute, je traverse la ville et je ne vois rien. La foule me tient loin, la foule me tient froid. Je n'entends plus ma voix. Plus on est de foule, plus on crie. Et ce pas que j'entends, est-ce encore le mien? Est-ce que je marche bien vers quelqu'un? Pareil à la marée, on peut s'y perdre ou s'y noyer. Marée haute, marée basse, je passe, navigateur interface. Je traverse la toile et je ne vois rien. Je ne comprends pas bien, j'avais pourtant dit oui à 1800 amis qui connaissent le son de ma voix. Mon sourire à l'envers, ma joie, où sont les amitiés de cafard? Hey, marée haute, marée basse, je passe, navigateur interface. Hey, en bas, il y a la foule qui m'attend pareil à la marée. On peut s'y perdre ou s'y noyer. Foule à marée basse, je passe à marée haute, je saute. J'hésite à descendre encore dans l'océan des corps. Dans ma poche, un gling-gling qui fout la pétoche. Une petite sœur qui me tire par la manche pour que je penche mon cœur. La peur, je veux encore la peur du temps qui passe pour goûter aux quatre saisons l'éternité. C'est du temps qui lasse, ça finit dans les vieux cartons. La peur des orages dans la nuit, ça m'a réveillée pour me serrer contre toi davantage dans ta nuit. Je suis bien cachée. C'est un petit caillou dans ma poche, un gling-gling qui fout la pétoche. Une petite sœur qui me tire par la manche pour que je penche mon cœur. La peur, je veux encore la peur des premières fois qui charrient leur foule de questions. On sait bien qu'on leur remontera le courant de nos émotions. Ah, yeah. C'est un petit caillou dans ma poche, un gling-gling qui fout la pétoche. Une petite sœur me tire par la manche pour que je penche mon cœur. La peur, je veux encore avoir peur de la mort pour cracher sur ses tentations quand la vie nous chahute un peu fort, lui crier qu'elle a pas raison. Ah, yeah, yeah.